En signe de soutien au test d'explosion nucléaire en faveur de l'estimation de la capacité de l'ogive nucléaire, mise au point par les scientifiques et techniciens de l'Institut d'armes nucléaires, suivant le dessin du Parti du Travail de Corée en matière de renforcement des forces armées nucléaires stratégiques, le Comité national nigérien d'études du kim-sunisme-kim-jonglisme a inséré le discourant un article dans son homepage d'Internet.